Chapitre 23. L'assemblée entière se leva, et ils amenèrent Jésus devant Pilate. Là, ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. » Il leur dit de ne pas payer les impôts à l'empereur, et prétend qu'il est lui-même Christ, un roi. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répliqua, « Tu le dis. » Pilate s'adressa alors au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Mais ils déclarèrent avec encore plus de force, « Il pousse le peuple à la révolte par son enseignement. Il a commencé en Galilée, a passé par toute la Judée, et maintenant il est venu jusqu'ici. » Quand Pilate entendit ces mots, il demanda, « Cet homme est-il de Galilée ?» Et lorsqu'il eut appris que Jésus venait de la région gouvernée par Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Hérode fut très heureux de voir Jésus, car il avait entendu parler de lui et désirait le rencontrer depuis longtemps. Il espérait le voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi étaient là et portaient de violentes accusations contre Jésus. Hérode et ses soldats se moquèrent de lui et le traitèrent avec mépris. Ils lui mirent un vêtement magnifique et le renvoyèrent à Pilate. Le même jour, Hérode et Pilate devinrent amis. En effet, auparavant, ils étaient ennemis. Pilate réunit les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en me disant qu'il égare le peuple. Eh bien, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des mauvaises actions dont vous l'accusez. Hérode ne l'a pas non plus trouvé coupable, car il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. » À chaque fête de Pâques, Pilate devait leur libérer un prisonnier. Mais ils se mirent à crier tous ensemble, « Fais mourir cet homme. Relâche-nous Barabbas. » Barabbas avait été mis en prison pour une révolte qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Comme Pilate désirait libérer Jésus, il adressa de nouveau la parole à la foule. Mais il lui criait, « Cloue-le sur une croix. Cloue-le sur une croix. » Pilate prit la parole une troisième fois et leur dit, « Quelle mauvaise action a-t-il commise ? Je n'ai trouvé en lui aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. » Mais ils continuaient à réclamer à grands cris que Jésus soit cloué sur une croix. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il libéra l'homme qu'il réclamait, celui qui avait été mis en prison pour révolte et pour meurtre, et leur livra Jésus pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Comme ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, qui revenait des champs. Ils se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car les jours vont venir où l'on dira, « Heureuses celles qui ne peuvent avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. » Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. » Car, ajouta Jésus, « si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, ils clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là, et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui. « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui étaient écrits ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. L'officier romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, « Certainement, cet homme était bon. » Tous ceux qui étaient venus en foule, assistés à ce spectacle, virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Il y avait un homme appelé Joseph, de la ville juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste, et il espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il se rendit chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent chez elles et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi l'ordonnait.